Quoi? Hein? Non. Tu fais quoi? Je vais essayer de mettre un sample. J'essaie de mettre un sample. Je vais balancer. Ok. Ok. Pas mal. Tu entends? Ouais, j'entends. Ta ta ta. Je vais essayer de brancher mon synthé moi en même temps. T'entends le synthé? Percute, attends. Bah ouais, nickel. Thank you. Quoi? Là. C'est combien ça en fait? Non mais c'est un truc où il y a des gens qui jouent en ligne. Ouais. T'entends jouer ou pas quand tu joues? Bah, c'est un gars qui met ça, ouais je m'entends jouer. Et là c'est un truc Tu veux quoi? Comme ça quoi. Un gars qui a mis ça. Il faisait des percussions dessus. Arrête tout ça, il y a une passe comme ça. Non, c'est une musique. D'accord. Mais il se fait. C'est mon frère qui joue. Attends, il y a mis un truc là. Arrête. Oh, il est trop lourd. Quel style tu veux? Non. Croc. Croc. Voilà. Je sais pas, n'importe. Tu fais que de la percussion, toi? Ouais. Arrête. Attends, attends. Parce que sinon, tu peux mettre un truc facile à jouer. Attends, je vais enfin avec une autre guitare parce que moi un blues, c'est un classique, ça va être bizarre. Ça va être sympa, non? Tiens. Regarde ma mère. Non, c'est pas la pédale. Mais c'est un pédale. Enfin, putain, ça laisse t'enfoncer. Ouais, c'était bien le truc avant. Voilà. Mais là, c'est juste, je sais pas, mon frère, il y a un problème. Ouais, ils sont maintenant pour ça. Donc, tu fais de la guitare ou des choses comme ça? Enfin, mélodique aussi. Tu fais plutôt que des percussions. Afro-cubain.